Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Aucune disposition légale burundaise n'interdit l'inscription de l'enfant naturel dans les registres de l'état civil. Une mise au point faite ce lundi par Alexis Manirakiza, expert en matière de code des personnes et de la famille. Vous l'entendrez. Et l'ancien secrétaire général du parti CNL dénonce la violation de la loi dans l'organisation d'un rassemblement organisé ce dimanche en Gosier qui a changé les organes dirigeants du parti. Simon Bizimungu se réserve par ailleurs tout commentaire sur l'éventualité de perte de la qualité des députés pro-Rwasa. Vous aurez aussi des analyses des partis Savanya Frodebou et APDR. Et plus de 280 enseignants recrutés cette année scolaire dans la province de Bururi accusent des lacunes professionnelles que le directeur provincial de l'éducation a lui-même constaté au cours des visites de classe qu'il a effectuées. Nous appellerons notre correspondant pour les détails. Voilà pour la sommaire. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui l'aile du parti CNL, Fidèle Agathon Rwasa, déplore le traitement qu'ont subi ses militants, y compris des députés ce dimanche en province Ngozi, lors d'un rassemblement ayant changé les organes dirigeants du parti en violation de la loi, selon Simon Bizimungu, ancien secrétaire général. Sans donner de chiffres, il affirme qu'il y a eu violation des droits humains. On l'écoute. Hier, on a observé un soi-disant congrès extraordinaire qui a été organisé au nom du parti CNL, mais qui n'est pas un congrès du parti CNL. Parce que un parti agréé, un parti qui est implanté sur tout le territoire burundi, qui a des organes du sommet à la base, quand il organise un congrès, ce congrès doit être organisé en bonne et due forme. Il y a ceux qui doivent convoquer le congrès. Il y a ceux qui doivent participer dans ce congrès. Ce qui n'a pas été le cas hier, c'est qu'on a observé, deux gens qui ne sont même pas deux gens du parti qui ont participé dans ce soi-disant congrès. Ce qu'on a observé, il y a eu violation des droits humains. Nous avons vu beaucoup de nos membres qui ont été arrêtés en prison. D'autres ont été malmenés. Ici, ce qui est grave, c'est le camp des élus du peuple qui ont été malmenés par ceux qui devaient les protéger. Imaginez-vous, dans un pays qui se dit étant de droit, là où des députés sont malmenés, mis sous le soleil durant toute la journée, et là, alors qu'ils n'ont rien fait comme faute, là vous comprendrez que c'est un problème. Nous sommes encore loin ici dans notre pays. Et quant à la question sur une probable perte de la qualité de député des pro-Rwasa, l'honorable Simon Bizimungu fait remarquer que des procédures à suivre sont connues. Il est encore tôt de s'exprimer sur les étapes qui vont suivre, dit-il. On l'écoute encore une fois. Vouloir savoir ce qu'on compte faire, là je me dis que c'est trop tôt de vous préciser ce que nous allons faire, mais tout compte fait, on est là comme des politiciens et nous devons faire quelque chose, quoi qu'il en soit. Ceux qui disent que les députés qui sont derrière l'honorable Agathon Rwasa pourront perdre leur place à l'Assemblée nationale, bon, c'est leur droit de le dire ainsi, mais ce que je sais, perdre la place à l'Assemblée nationale doit suivre des procédures qui sont connues et qui sont des procédures normales. À ceux qui le disent alors, si c'est le souhait des uns ou des autres, nous, en tant que députés, en tant que politiciens, nous n'avons pas peur. Parce que quand il faut réclamer tes droits, quand il faut montrer ce qui ne va pas, tu ne peux pas compter sur le poste que tu occupes ou sur le siège que tu occupes dans l'Assemblée nationale. C'était Simon Bizimungu, ancien secrétaire général du parti CNL. Et le parti APDR croit savoir que le ministère de l'Intérieur s'est appuyé sur des textes légaux pour autoriser la tenue d'un congrès extraordinaire du parti CNL par l'aile en conflit avec sa représentation légale ce dimanche en province de Ngozi. Alors que ce congrès a mis en place de nouveaux organes, Gabriel Banzawiton, des présidents de l'APDR, recommande aux autres formations politiques qu'à toujours éviter de se faire des lois susceptibles de provoquer des conflits internes. On l'écoute au micro de Placide Niyomwongere. C'était vraiment choquant pour le parti APDR d'avoir un parti qui ne fonctionnait pas correctement à cause des mésententes au niveau au sein des organes. Nous avons félicité le ministre de l'Intérieur d'avoir accepté la tenue d'un congrès pour permettre la solution définitive de cette problématique qui régnait au sein du parti. Vous félicitez le ministre de l'Intérieur qui venait d'interdire aux organes qui étaient reconnus comme organes légaux de ce parti d'organiser un congrès extraordinaire qu'ils avaient qualifié d'inclusif et autoriser une autre aile de ce parti. Est-ce que vous ne voyez pas que ça sera une façon d'enfoncer le clou? La question qui était au sein du parti, c'était à l'interne, ce n'est pas à l'extérieur. Comme ce n'était pas déjà qui venait à eux, comme c'était membre du bureau qui était, alors c'était le ministre qui devrait trancher, le ministère a tranché. Une fois, le ministère va accepter en donnant plus d'actes, alors c'est le ministère qui voit que c'est impossible de suivre ces organes pour peut-être atteindre d'autres partis politiques, puisqu'aujourd'hui nous avons 36 partis agréés au Burundi. Dans le passé, on a assisté à des scènes de division au sein des formations politiques. Est-ce que vous ne craignez pas que ça sera un débit de ce que les uns des autres avaient appelé nyakorisation encore, une fois quelques mois des élections? Je ne pense pas comme ça, puisque je pense que beaucoup de partis ont eu ces secousses, même le parti APD, même le parti au pouvoir, vous savez, les secousses qui ont passé. Mais l'important pour nous, c'est que les gens sachent qu'en démocratie, la liberté des idées. On demande les organes des partis politiques, premièrement, de construire des lois, des statuts, des règlements d'ordre de l'intérieur. En général, au lieu de construire ces textes légaux à leur niveau, mais aussi les organes doivent pouvoir gérer les partis en fonction de lutter contre toutes les ententes qui pourraient trouver racine au niveau des organes. C'était le président du parti APDR, Gabriel Wanzawitonde. Et le parti Sawanya Frodebo invite les militants du parti CNL à privilégier un terrain d'entente pour ne pas se laisser diviser. Après la tenue d'un congrès extraordinaire parallèle en conflit avec la représentation légale ce dimanche, Feni Assenig, vice-président et porte-parole du parti Frodebo, trouve inquiétantes les circonstances exceptionnelles dans lesquelles ce congrès a été organisé et demande au ministre de l'Intérieur aussi de gérer cette crise sans parti pris. Fenias Nigawa, vice-président et porte-parole du parti Frodebo. Ce congrès a été caractérisé par trois grandes choses importantes qui sont inhabituelles. Le congrès était hautement sécurisé. Deuxièmement, au moment du déroulement du congrès, il y avait certains membres de cette formation politique qui étaient à l'extérieur et d'autres étaient à l'intérieur de la salle. Troisièmement, nous avons entendu que dans certaines provinces, il y a eu quelques arrestations des membres du parti CNL au moment où ce congrès se déroulait. Cela, maintenant, laisse à se poser pas mal de questions. Est-ce que le congrès qui a été organisé est venu trouver solution aux problèmes qui hante le parti CNL? Est-ce que ce congrès a été organisé pour renforcer le parti CNL? Pour le parti Sawanya Frodebo, la réponse est négative, parce que nous voyons que ce congrès risque de diviser le parti CNL et risque d'avoir des répercussions sur la vie de la classe politique. Nous voudrions maintenant demander au ministère de l'Intérieur et à la gestion des partis politiques dans ses attributions de voir comment gérer cette crise pour trouver une solution qui rassemble les partis en conflit. Cela pourrait diminuer les tensions entre les membres de ce parti politique. Nous avons vu dans le passé que les partis politiques sont divisés pour, disons, des raisons politiques et pour ne pas avoir des partis forts. Ça a eu des conséquences très néfastes sur la démocratie ici au Burundi. Maintenant, nous demandons aux partis en conflit de se ressaisir et de trouver un terrain d'entente pour trouver une solution qui peut faciliter la cohabitation des différents membres de ce parti politique et surtout de voir comment ne pas laisser l'organisation se détruire. Isanganiro, la radio de l'avenir. 289 enseignants recrutés cette année scolaire dans la province de Bururi ont besoin de séances de renforcement des capacités, car visiblement, certains d'entre eux n'ont pas le niveau suffisant. C'est ce qu'a déclaré le directeur provincial de l'éducation au cours d'un atelier de coordination des intervenants en matière de développement. Antoine Nsabiyumva confirme avoir constaté ces lacunes au cours des visites de classe qu'il a effectuées. Il demande un appui des intervenants dans ce secteur pour qu'il y ait un enseignement de qualité. Zenon Zambuman. La province scolaire d'Obruli compte 289 nouveaux enseignants engagés cette année scolaire, dont 273 qui ont remplacé les enseignants qui sont partis en retraite l'année écoulée. C'est une donnée en provenance du bureau provincial de l'éducation à Obruli. Le directeur provincial de l'éducation indique qu'il a déjà constaté que certains parmi ces enseignants ont besoin de séances de renforcement de capacité, car certains sont incapables de dispenser convenablement une leçon de grammaire. Il affirme avoir constaté au cours de ses visites de classe pendant le cours de français aux trois premiers cycles, des enseignants qui ne sont même pas capables de conjuguer un verbe au présent de l'indicatif et au futur simple ou de formuler une phrase complète en français. Il ajoute qu'un de ces éducateurs qui enseignait des fautes a été déjà suspendu sur la liste des enseignants debout. Antoine Sabiyumva l'a dit la semaine écoulée, c'était au cours d'un atelier de coordination des intervenants en matière de développement de la province d'Obruli, un atelier organisé par le cabinet du gouverneur de la province d'Obruli. Selon certains des participants à cette réunion, ces enseignants ont oublié ce qu'ils ont appris sur le banc de l'école parce qu'ils sont recrutés après plusieurs années de chômage. Le directeur provincial de l'éducation à Obruli demande un appui financier des intervenants en matière de développement pour qu'il y ait un enseignement de qualité. Les participants à cette réunion déplorent également que la province d'Obruli compte moins de partenaires techniques et financiers par rapport aux autres provinces et demandent à l'État de faire une répartition équitable de ces derniers. Depuis Obruli, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Merci Zenon. Le paiement des factures des soins médicaux pour les filles et mères et les procédures de les retourner dans leurs familles respectives, ce sont certains problèmes exprimés par le centre missionnaire de la vie de Jean-Paul II, se trouvant à Guihanga en Provence-Bubanza. Sœur Godelive Kanyamuneza, responsable de ce centre, déplore le fait que certains parents envoient leurs enfants encore jeunes dans les villes à la recherche de l'emploi et certaines sont trompées et engrossées. Elle fait savoir cependant que les victimes de ce phénomène apprennent des métiers dans ce centre avant de retourner dans leurs familles respectives. Spes Caritas Kavanyana. Ces jeunes filles venant des différents coins du pays, engrossées tantôt par les domestiques, tantôt par leurs employeurs, leurs parenté et autres, sont accueillis au centre missionnaire de la vie de Jean-Paul II, situé à Guihanga, et elles y arrivent dans un état critique, malade et démuni, selon la sœur responsable de ce centre. Sœur Godelive Kanyamuneza explique également que ce centre est confronté au manque de moyens pour pouvoir nourrir ses filles, les faire soigner ainsi que les nouveaux-nés sans aucun document d'assurance maladie. L'autre problème est lié au retour de ces filles dans leurs familles respectives. Certaines ne comprennent pas comment elles peuvent accueillir une fille mère et la victime ainsi que son enfant finissent par retourner au centre selon la sœur responsable. Celle-ci demande à l'État de continuer à éduquer et sensibiliser les jeunes pour un comportement responsable, mais aussi sanctionner tous les auteurs de grossesse chez les filles mineures. Spécialitas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. La mécanisation du système de production du charbon à base de la carbonisation des herbes et autres déchets ménagers a permis de multiplier par 10 la production journalière. Apollinaire Ndikuma Sabo, représentant légal de la société transformant ce type de charbon sur la colline Mutambara, déclare que cette mécanisation a été possible grâce à un prêt obtenu du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes Paège. Au moment où ceux qui ont déjà utilisé ce type de charbon l'apprécient, Ndikuma Sabo encourage les autres jeunes à initier des projets de développement à soumettre à ce programme pour financement. Jean-Pierre Misago. Après s'être doté de deux machines à mazout, l'une pour la production d'une fine poudre à partir des matières carbonisées et l'autre pour la fabrication de la briquette, et tout cela grâce à un crédit contracté auprès du programme d'autonomisation économique et d'emploi des jeunes, le travail manuel ne se limitait plus qu'à la collecte des matières à carboniser, à la carbonisation elle-même, au mélange de la fine poudre avec de la bouillie, de la farine de manioc et au séchage des briquettes de charbon. Apollinaire Ndikuma Sabo, initiateur de ce projet à Mutambara, dit que depuis lors, la production journalière de ces briquettes est passée de 50 kg à une production journalière comprise entre 400 et 600 kg. Avec des débuts, prometteur, son crédit sera remboursé, espère Ngikuma Sabo. Mourisha Parfait, employé à Suite Kona Restaurant, un restaurant de la ville de Rumonge utilisant déjà son charbon écologique, témoigne qu'il s'agit d'un charbon de bonne qualité. Apollinaire Ngikuma Sabo appelle les autres jeunes à initier des projets de développement et les soumettre au paillage pour une éventuelle orientation, puis un éventuel financement. Jean-Pierre Misago depuis Mutambara, Radio Isanganiro. Aucune disposition légale burundaise n'interdit l'inscription d'un enfant naturel dans les registres de l'état civil. Une mise au point faite ce lundi par Alexis Manirakiza, expert en matière de code des personnes et de la famille, dans une conférence débat sur l'établissement de la paternité d'un enfant naturel au Burundi. Concernant les mesures verbales prises par certaines autorités, Dr Pacifique Niyonizigiye, spécialiste en droit constitutionnel et coordonnateur du projet Burundi Women's Rights Awareness and Protection, indique que ces mesures ne peuvent en aucun cas remplacer les codes et lois existants. Omer Ndouayou. Lors de cette conférence, le spécialiste en code des personnes et familles s'appuie sur le principe de non-discrimination et l'intérêt supérieur de l'enfant, que stipule l'article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant. Normalement, la loi dit que tout enfant, quel qu'il soit, peut être enregistré, que ce soit un enfant naturel ou un enfant légitime, et l'enfant naturel, même de père inconnu, a le droit d'être enregistré. Le droit est clair sur ce point. Ceux qui refusent d'enregistrer ces enfants, ce sont ceux-là qui violent le droit et par ricochet, ils violent les droits de l'enfant. Normalement, rien n'empêche d'enregistrer un enfant qui est né. C'est une obligation. Pacifique Nyonizigiye, spécialiste en droit constitutionnel, lui revient sur les mesures verbales prises par de grandes personnalités, dont les ministres, se faisant semblant oublier ce que disent les textes légaux. Et pour ce qui concerne la suprématie de la loi, c'est dire personne n'est au-dessus de la loi. Et j'ai donné la hiérarchie des normes juridiques. Là où je montre qu'en premier lieu, nous avons la Constitution, qui est la loi fondamentale, la loi suprême, et que toutes les lois, tous les actes réglementaires doivent respecter la Constitution. Nous avons vu à l'article 48 de la Constitution, là où on dit que la Constitution, c'est la loi suprême. On dit que toute loi non conforme à la Constitution est nulle. Cela est mentionné également à l'article 237 de la Constitution, la hiérarchie. Les participants saluent les riches informations acquises dans cette conférence. Toutefois, ils demandent la subvention du test ADN pour limiter les malentendus sur la paternité biologique d'un enfant. Nous avons entendu que l'État projette de réviser le code des personnes et de la famille. Nous demandons à l'État d'insérer dans cette loi en révision que le test ADN soit légalisé. Le code ADN, ce serait pour justifier dans la paternité non reconnue par un homme. Alors, ne pas reconnaître son enfant, c'est normalement un délit. Et je trouve que ce test ADN, s'il doit y être inséré dans une loi, ça serait dans le code pénal pour justement punir le coupable qui renie son enfant. L'article 7i de la Convention internationale des droits de l'enfant précise que l'enfant a droit de jouir du droit de connaître son père et d'être élevé par lui. Omer Ndouayo, ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Jean Bosco, Douimane.